messieurs, c'est votre Studio Max. Nous sommes en direct des studios du Max 103, 129 rue Alexandre. Et aujourd'hui, pour le Studio Max, on a le grand, grand, grand privilège d'accueillir, mesdames, messieurs, on fait beaucoup, beaucoup de bruit pour Andréanne à Mallette. Bonsoir. Andréanne, comment ça va? Ça va bien, je digère ma pizza tranquillement. Oui, rien d'avaler. Oui, on a eu de l'excellente pizza du Capitaine, qu'on salue Jimmy et toute son équipe au Capitaine. La meilleure pizza au monde que Jimmy m'a dit la dernière fois qu'on a été. C'est un plaisir de t'avoir avec nous autres. On va passer 60 minutes ensemble devant une foule en feu. Une foule en délire. On peut les entendre. Et avant de te bombarder de questions sur ta vie personnelle, on commence en chanson tout de suite. J'aimerais qu'on l'accueille tout de suite, mesdames, messieurs. Andréanne à Mallette. Sous la table, chante en silence. Tout le monde te regarde. Mange, mais pas trop, sauf la pizza. Ne pense pas. Fais toujours ce qu'il faut. Si toi aussi tu t'effaces pour ne pas déranger, moi je te dis tant. Messieurs, Andréanne à Mallette. Andréanne, bienvenue dans les studios du Max 103. Merci beaucoup. Commençons par présenter celle qui t'accompagne. C'est ce que j'allais dire, la deuxième voix qu'on entend, Judith Sonne, qui est mon acolyte depuis 10 ans maintenant déjà. 10 ans, une belle et longue relation. Ma plus longue. honnêtement. André, la tune que tu viens de jouer ici ailleurs, c'est le deuxième extrait de ton deuxième album qui vient de sortir. Et c'est déjà numéro un dans le top 100 correspondant, qui est un top des radios. Et ça, c'est grâce à tous ces gens-là qui n'arrêtent pas de voter et de demander tes chansons. C'est une belle reconnaissance déjà. L'album vient tout juste de sortir et tu cumules les succès. On peut l'applaudir quand même ici ailleurs, numéro un. Merci beaucoup. Parlons-en de cet album-là, l'album éponyme, parce que la façon que tu as utilisée pour faire cet album-là, pour le produire, ressemble en rien à ce qu'on a vu au Québec avant. Je sais pas s'il y en a qui ont suivi, mais il y a eu un show à Montréal, un show à Granby, un show à Québec, où tu demandais aux gens de choisir les chansons qu'il y allait avoir sur l'album. Oui, exactement. Ben moi, je trouvais ça très logique, en fait, parce que comme je produis, comme tu dis, j'avais pas d'œil extérieur, j'avais pas le fameux directeur artistique qu'il y a habituellement dans une boîte de disques. Donc, étant trop collé sur mon projet, j'avais de la difficulté à savoir si mes chansons étaient bonnes ou non. T'sais. Moi, j'avais mes préférées, mais j'avais le goût d'avoir un œil extérieur. Donc, j'ai fait appel aux fans. Puis, de toute façon, cet album-là, c'est eux qui l'écoutent. Fait que j'avais envie aussi que ce qu'il y a sur cet album-là soit représentatif de leur goût. Donc, ils ont choisi. Mais là, les gens arrivaient là-bas, il y avait une feuille avec le titre des chansons. Il fallait qu'ils notent sur 10. C'est exactement ça. Une échelle de 1 à 10. Je jouais 20 tunes acoustiques. Il y avait des chansons qui n'étaient même pas finies. C'était vraiment comme si on était dans mon salon. Puis je faisais, hey gang, celle-là, l'aimez-vous. Puis, c'est ça, de 1 à 10, ils votaient. Moi, après ça, j'ai fait des stats avec tout ça. Puis ça m'a donné les 12 chansons. OK. Et est-ce qu'il y a des tunes que toi, tu t'es dit, mettons, celle-là, elle va rentrer fort, fort, fort, je suis convaincu. Puis finalement, pouette, pouette, pouette. Oui. Oui. Je pense à une, entre autres, qui s'appelle Les Marées. Okay. Moi, c'est une de mes préférées. J'entendais plein d'affaires là-dedans. Il y a des arrangements de violon, des vague vocals. Il y a plein de trucs. Mais ça, j'avais ça dans ma tête. Puis, j'étais pas consciente que ce qu'il y a dans ma tête, c'est pas nécessairement facile pour les autres de le savoir. Puis, acoustique, elle est pas bonne, la toune, honnêtement. Ça marche pas. Fait que je la faisais acoustique en show. Puis, Montréal, Granby, l'ont pas fait rentrer. Puis, quand je suis arrivée à Québec, j'avoue, j'ai mis un petit peu de poids. J'ai dit, là, faites-moi confiance, il va y avoir des violons. Votez pour cette chanson-là. Non, mais ça va être débile mental. Puis finalement, Québec a sauvé les marées. Et elle est sur l'album, finalement. Sur l'album, oui. Grâce à la Ville de Québec. Elle était coeurante. Mais il fallait qu'elle soit là, celle-là. Parle-moi un peu de ton lancement, comment ça a été. Il y a eu beaucoup de publicité alentour du lancement. Il y a eu beaucoup de bons albums qui sont sortis dernièrement dans la musique québécoise. Ouais. Mais le tien s'est démarqué rapidement. Mais il y a eu fou avant qui a comme mis le tapis à cet album-là. Le lancement, là, honnêtement, ça a été super. C'est drôle parce que jusqu'à 4 heures, j'étais productrice. Fait que là, je courais partout. OK, est-ce que la table des invités est prête? Puis à partir de à peu près ça, 4 heures, 4 heures et demie, je suis allée en arrière. J'ai mis mon chapeau d'artiste. Je me suis fait maquiller, coiffer, faire une coupe de vocalise. Puis j'ai été faire le show. Fait que ça a été particulier de vivre les deux en un dans la même journée. Mais c'était plein, c'était le fun. Les fans étaient au rendez-vous. Puis la critique aussi est super bonne. On va en reparler de ton côté entrepreneur un petit peu plus tard. On est avec André Lamalette pour une soixantaine de minutes. On l'écoute encore en chanson sous un tonnerre d'applaudissements, mesdames, messieurs. Andréanne A. Mallette au Studio Max du Max 103. Rivière, montre-moi à suivre le courant. Tracer mon chemin jusqu'à l'océan. Explique-moi comment contourner les barrages. Comment ruisseau étroit devient fleuve large. Forêt, apprends-moi à me retrouver. Et à toujours sentir les racines sur mes pieds. Montagne, comment puis-je remonter la pente. Prendre ma place, élever mes attentes. Car trop souvent, j'oublie de prendre le temps. Laisse le temps s'envoler feuille à feuille au vent. Sois confiant que l'hiver amènera le printemps. Renard, apprends-moi à faire confiance. à mon instinct dans toutes circonstances. Mes anges, redonne-moi tes plus belles chansons. Ouvre mes ailes, ouvre mes horizons. En plus à la radio, alors vocalise 1, 2, 1, 2. Aussi simple que ça. Ta-da-dam. Ta-da-da-ta-dam. Ta-da-da-ta-dam. Ta-da-dam. Ouais, plus fort. Très bon. Direct du Studio Max sur les ondes du Mardi Sandro, notre invité Andréane Amalette. On s'arrête quelques instants, quelques messages publicitaires et on revient en musique et en entrevue avec notre invité Andréane Amalette. On est de retour au Studio Max. Mon nom est Max Lalonde, c'est un privilège d'animer cette émission-là. Le Studio Max 103 qui reçoit aujourd'hui Andréane Amalette. Andréane, si on veut te rejoindre sur les internets, sur Facebook, sur Instagram, si on veut voir des photos de Inch'Allah, où on va? C'est son chat, Inch'Allah. C'est mon chat, Inch'Allah. On va sur Instagram, on va sur Twitter, ça c'est Andréane AM, sur Facebook c'est Andréane Amalette, sinon il y a AndréaneAmalette.com. Si tu cherches Andréane Amalette, tu devrais trouver quelque chose. Et est-ce que c'est toi qui réponds à tout ce monde-là ou c'est ton équipe? Non, pas à tout, c'est moi. C'est pour toi. Ça que des fois que c'est un peu long, en fait. Mais j'essaie de répondre vraiment à tout le monde. On invite les gens à aller faire un tour sur les réseaux sociaux, qui est un moyen extraordinaire de rejoindre les artistes aujourd'hui. Au Studio Max 103, on l'accueille encore une fois en chanson, mesdames, messieurs, Andréane Amalette. Sur une horloge, la trotteuse ne trotte plus, épuisée d'avoir trop couru, le temps semble plus long. À force de tourner en rond et on se presse de vivre, on oublie de rire comme des petits gars. Pieds dans la Yamaska, un quai pour un voilier, et puis les yeux fermés, ils étaient seuls à voir l'autre rire. Et puis entame une lutte sans super-héros, corps et âme contre corps, et qu'on sente seul au monde. Dans nos envies sombres, on se rattache à ces mots. Tous les je t'aime qu'on s'y tire, ou les tapes dans le dos, les fois où les larmes succombent, et on se serre la coude pour ne pas se découdre. On se presse de vivre. vivre et qu'on oublie de rire. Comme des petits gars, pieds dans la Yamaska, un quai pour un voilier, et puis les poings fermés, l'humanité part à la dérive. Mais qu'on a regardé s'effondrer sous le poids de l'orgueil et de la fierté de se tenir debout sans tenir la main, sans non plus l'attendre. Mais qu'attendons-nous de demain? Si on se presse de vivre et qu'on oublie de rire comme des petits gars, pieds dans la Yamaska, pour un voilier, et puis les poings fermés, eux font sans craindre qu'ils ne chavirent. Qu'est pour un voilier, et puis les yeux fermés, ils arrivent à voir l'autre rire. Wow! Merci. Je sais que je te l'ai dit à peu près une centaine de fois, mais je te trouve tellement talentueuse. Et ça, c'est l'autre rive de ton premier album, Bohème, sorti en 2013. Oui, la chanson est sortie en 2009, par 2009. Exemple. 2009? Oui, c'est drôle, j'ai retourné dans mon Facebook cette semaine, je suis retournée dans les boulamites de cette page-là, puis elle était tombée numéro 1 du palmarès iTunes en 2009, puis tout le monde se demandait, mais qui est Andréanne Mallette? Je pense que j'étais devant Éric Lapointe et Marie-Mé. Parce qu'on l'a entendu à la télé dans l'émission Yamaska. Exactement. Et cet album-là, Bohème, bon, il s'est passé comme 4 ans entre les deux albums, à peu près. Ben, il est sorti en 2014, février 2014, ça fait un 3 ans et demi. Un 3 ans solide. J'avais le goût qu'on parle de musique et de ce que t'aimes en musique, mais j'ai une question pour Judith, par exemple. Quand vous êtes en tournée, vous faites de la voiture ensemble, qui décide de qu'est-ce qu'on écoute dans l'auto? C'est pas mal tout le temps à moi. C'est pas mal tout le temps la même affaire. Ah oui? C'est... Ouais, ben, vous... Il y a deux affaires, en fait. J'écoute pas tant de musique en voiture. Okay. J'en écoute beaucoup, mais j'écoute la radio. Mais j'écoute des livres audio. Des livres audio? Et ça, c'est au grand dame de Judith qui n'aime pas particulièrement ça. Mais moi, ça me permet... Parce que t'as pas le temps de lire. J'ai pas le temps de lire. C'est souvent des trucs de marketing, c'est de la formation sur l'industrie de la musique que j'écoute. Fait que si je me suis Mon Dieu, ça a l'air passionnant. Non, c'est super fun! Hey, ça rentabilise le temps comme jamais. On passe tellement de temps dans le char que moi, j'étudie en voiture. Fait que toi, t'es assise, tu dis pas un mot, puis t'écoutes les techniques. Moi, je me forme même sans vouloir. Elle met son cerveau à off. Ouais. Non, mais sinon, on écoute. J'ai pas grand-chose sur mon téléphone, mais il y a énormément de first aid kit, puis on n'est plus capable, même si on aime vraiment beaucoup ça. Mais souvent, il n'y a pas de musique, puis on parle. Aussi. On parle beaucoup. On est comme les Gilmore Girls. Ah oui? Ce qu'on dit le plus souvent, c'est ah ouais. Ah ouais? Hein? Ah ouais. Hein? Ah ouais. Hein? C'est notre ponctuation. Mais pourquoi j'ai l'impression qu'une tournée entre gars et une tournée entre filles, c'est carrément différent? C'est pire entre filles, honnêtement. Là. Pourquoi? Ben, c'est pas le même rock. T'sais, nous autres, on est. La dernière tournée, on était 3 filles. Il y avait Julie qui était avec nous. Okay. Puis on s'appelait la tournée la moins rock du Québec parce que Julie, elle allaitait. Moi, je bois de l'eau chaude. Puis je disais, t'apprends une bière. Mais c'est rock dans les propos, je te dirais. Ah oui? Les conversations de vous réglez bien des problèmes? On règle des problèmes comme jamais. On refait le monde. Les gars, ils parlent pas, tu sais. Ils dorment, ils pètent, puis ça se passe pas grand-chose dans une bande de gars, honnêtement. Ah non, mais écoute, je te demandais ça parce que cette année, pour la première fois, Vincent Vallière a rentré une fille sur sa tournée à Mini-Mandeville. Oui. Et il dit ça, c'est comme tellement venu changer l'ambiance dans la voiture quand on a 10-12 heures de route à faire. Puis parce que vous passez, par la force des choses, beaucoup, beaucoup de temps ensemble. Ben oui. Puis collé, en plus, pas grand place quand t'as beaucoup d'instruments. Est-ce que ça arrive des fois que vous faites « prendre un petit break, je suis un peu tanné, j'ai besoin d'un moment seul » ou... Pas tant. Non. Honnêtement, Judith, entre autres, je pense que c'est la seule amie que j'ai avec qui je me suis jamais chicanée. On est tellement peace. On est vraiment peace. Oh. Vraiment parce que tu t'es chicanée avec toutes tes autres amies. Ouais. Non, mais j'ai un tempérament vraiment smooth, puis elle aussi. Fait que souvent, c'est les autres qui chicanent avec moi, puis moi, je comprends pas trop ce qui se passe. Je comprends pas trop pourquoi. Mais voyons, pourquoi est-ce que c'est ça tu fais? Mais moi, je suis très, très... Je suis une personne, une fille de gang. Autant je suis turbo-solitaire pour certains moments. Ouais, turbo-solitaire. Ça, c'est très, très solitaire. Mais c'est un beau terme, turbo-solitaire. Ouais. T'as besoin de cette solitude-là? Oui. Mais j'ai besoin aussi d'avoir une appartenance à un groupe, puis mon band, c'est ça. Fait que je peux pas m'en passer. J'adore ça. On tourne en musique, mesdames et messieurs. Notre invité aujourd'hui, Andréanne A. Mallette. Pourquoi mais je t'aime, sonne faux. Quand je crois que c'est la chose à dire, je le désire plus qu'il ne faut. Je le vois partout dans mon avenir. Qu'est-ce que t'attends, mon cœur? Ma tête, depuis longtemps, elle est con. Que t'atteins mon cœur, n'aie plus peur, celui-là, peu de chance qu'il te brise. J'ai dû associer par mes gardes, amour et peine, célibat et bien-être. Je crois que je reste sur mes gardes. L'amour pur, je ne sais le reconnaître. Qu'est-ce que t'attends, mon cœur? Mon corps, depuis longtemps, il est comblé. Qu'est-ce que t'attends, mon cœur? Celui-là, peu de chance qu'il te fasse marcher. Bien sûr, les fissures ne sont pas recollées. Et justement, mon cœur, c'est par les fissures que la lumière peut entrer. Le vrai et le faux, entre amour et faux, ce qu'il faut. payerai autant qu'ils veulent, car je suis ce que je suis, et s'il le faut, je resterai seul. Jamais prisonnière, la solitude est un fléau. Mais être solitaire, ce n'est pas un fardeau seul. Car je déshabille d'abord mon esprit, mon âme, seulement s'ils veulent encore, je découvre la femme. Ressemble pas, alors je passe mon tour. Ce que je veux souvent ne me veut pas. Les pièges de l'amour, toutes ces choses je ne comprends pas, me pèsent accompagné d'André Anamalette au Studio Max. On a parlé de beaucoup de choses à venir jusqu'à présent, mais dans le dernier segment d'entrevue, tu disais qu'à ton lancement, tu as été productrice jusqu'à 4h15, 4h30 avant de donner le show. Pour cet album-là, ici, ton deuxième album, tu es devenue la productrice, ouais. Tu es devenue un one-woman army, band ou army pour tout faire. Parle-nous un peu de ton expérience en tant que productrice. De un, pourquoi? Ouais. Et de deux, comment tu trouves ça? J'adore ça, honnêtement. C'est beaucoup de travail, c'est peu d'heures de sommeil et souvent, surtout pour une période comme la sortie de l'album, là, j'étais 95% femme d'affaires, 5% artiste. Là. Ça prend beaucoup de temps, mais ça l'offre une liberté tellement incroyable. Puis moi, je trouve ça extrêmement créatif. La portion production, ça me permet d'inventer des concepts comme les shows interactifs, comme la tournée Feu de camp. J'ai un rapport avec mes fans que j'avais pas avant, j'avais pas la possibilité d'avoir ce lien-là parce que, il y avait des gens qui prenaient des décisions à ma place. Et là, ça m'offre de faire tout ce que j'ai envie de faire, carrément. Parce que t'as passé dans la grosse machine de Star Academy, ouais. Qui était un tremplin incroyable. Ah ouais, absolument. Mais si on te donnait l'occasion aujourd'hui de retourner avec ce genre d'équipe de gérance et de gestion-là, est-ce que tu le referais? Non, je le referais pas. Puis ça n'a rien à enlever à cette équipe-là. Je pense qu'il y a trois types d'artistes, puis il y a trois types de production d'albums. Okay. Puis souvent, il y a des artistes que j'appelle les artistes qui, eux, veulent juste faire de la musique, ils veulent pas gérer les papiers. Ils veulent pas gérer les papiers, ça leur tente pas, ça leur regarde pas, et ces gens-là doivent aller dans des boîtes de disques comme ça, puis les boîtes de disques ont raison d'être pour ces artistes-là. Moi, j'étais l'artiste fatigante dans la boîte de disques qui posait tout le temps trop de questions, puis on est rendu où avec le budget, puis ça, c'est quoi, comment ça marche, nanana. Je suis pas le type d'artiste pour ce type de production-là. Mais d'où te vient ton fond entrepreneurial? C'est... Dragon's Den. Non. Oui, mais j'ai lu ça en entrevue que tu regardes dans l'œil du dragon pour t'inspirer. Non, mais c'est parce que j'ai abusé. J'aime beaucoup cette émission-là. Puis dans les deux dernières années, j'en ai tellement écouté que je pense que involontairement, ça m'a mis dans un état d'esprit d'entrepreneur. Mais pourquoi? C'était quoi ta question? Pourquoi j'ai choisi ça? Oui, mais en fait, ça te vient de où, cette fibre-là? Je sais pas. Honnêtement, j'aurais pas cru que j'avais ça en moi. Je pense que c'est venu par défaut quand j'ai quitté mon label. Je me suis revirée vers d'autres. J'ai regardé les options. Puis le fait de toujours être confronté soit à un non ou à un OK, mais dans un an et demi, un verra, on aime ça, mais on n'est pas sûr. J'ai appris dans ma vie personnelle que têter du monde pour qu'il t'aime, ça marche pas. Ouais. Faut que la personne ait le goût de travailler sur ton projet. Puis j'avais pas trouvé cette fameuse personne-là qui avait la même passion pour ce que je fais que je l'ai moi-même. C'est clair? Oui, c'est clair. Okay. C'est très, très clair. Tout le monde a compris? Yes, un applaudissement. Oui. Ouais, merci beaucoup. T'as parlé de la tournée Feu de camp. Ça a été un vif succès, tellement que t'as dû commencer à sous-traiter des musiciens. Raconte-nous un peu l'aventure de la tournée Feu de camp. J'ai parti ça il y a 2 ans, l'été passé, l'autre d'avant en tout cas. J'avais plus de show, la tournée Bohème était terminée, le deuxième album n'était pas sorti, puis tant que t'as pas de tournée officielle, tu peux pas vraiment faire de spectacle officiel en salle, donc je suis tombée un peu dans une craque, et j'ai parti ça, la tournée Feu de camp qui se voulait, des spectacles acoustiques autour des feux de camp, puis j'ai reçu tellement de demandes, là. La première année, je pense que c'est 200 quelques demandes qu'on a reçues, on a 200. Fait 40 shows, Judith et moi, en les mois de l'été, dans le fond. Puis je me suis dit, crème, ça marche bien, on va le refaire. Fait que j'ai voulu en faire profiter d'autres artistes, tout simplement. Puis j'ai envoyé d'autres artistes faire des shows de feu de camp. Et tu veux pousser ça plus loin, je pense, un peu, la tournée feu de camp? Ben j'aimerais ça. Je sais qu'il y a un énorme potentiel. La problématique, c'est que plus je suis occupée, moins j'ai le temps de faire ça. Donc, il faudra structurer la patente et que ça devienne vraiment une entreprise avec des employés et tout. Parce qu'à moi, toute seule, honnêtement... Ça va pas le faire. Et pendant la tournée Feu de camp, t'as joué devant combien, mettons, la plus grande foule et combien la plus petite foule? La plus grande, ça ressemblait probablement à 300 dans des gros, gros campings. Wow! Des fêtes nationales, des trucs comme ça. Le plus petit, je pense qu'il était 6 ou 7. C'est très cool. C'est très weird. Oui? Non, mais c'est vraiment cool, honnêtement. Y a une proximité incroyable dans un spectacle comme ça. J'adore ça. Puis c'est drôle parce que Judith et moi, premier été, on arrivait chez les gens extrêmement gênés. Puis excusez, on veut pas déranger. T'sais. Puis à la fin de l'année 2, bonsoir, où sont vos toilettes? Y a-tu du méchoui? Où c'est qu'on s'assoit? Y a-tu la bière dans le frigo? Ouais, puis on rentrait. Avec... Non, on enlevait même pas nos bottes, non. T'as parlé de ton manque de temps. Évidemment, bon, la tournée Feu de camp, tout ça, t'es devenu entrepreneur. Mais j'allais me promener sur ton Twitter. OK. Et t'es une des seules personnes dans la vie que je connais qui a déjà pris 2 heures pour trouver le moment où le feu de foyer à la télé loupe. Ouais. T'as déjà regardé le feu de foyer à la télé pendant 2 heures avec ton père? Avec mon père. c'est la session psychologue de l'entrevue. Je veux savoir pourquoi. C'était probablement le Noël le plus plate de ma vie. Ça, pourquoi? Non, c'était pas super excitant, ce Noël-là. Mon père et moi, on est pareil. Là. Tu me connais un peu. Ben, imagine une version masculine un peu plus âgée de moi. Et on s'est assis, on l'a regardé, puis on est devenu vraiment passionné. Puis la bûche, tranquillement, elle se transformait dans une espèce de lézard. Elle commençait à avoir une drôle de shape. Puis là, on l'analysait. Puis là, à un moment donné, on fait « Ah! Ça vient de louper! » Ça fait combien de temps qu'on le regarde? 54 minutes? T'es-tu sûr? Je pense que c'est 53. On va être obligé de le regarder. On va être obligé de le regarder encore. Fait que là, on a parti le chronomètre. Puis là, quand la bûche commençait à ressembler à un lézard, t'es comme, oh, oh, oh, oh, ça s'en vient. 54 minutes. Ça a reloupé. Est-ce que c'est un bel accomplissement pour toi puis ton père? Sérieusement, oui. J'en suis très fière. Mais il change à chaque année. Fait que le lézard n'est plus, malheureusement. Et tu parles de ton père. J'ai vu une de tes stories Instagram. Et je parle de son Twitter, ton Instagram. J'ai l'air de la suivre. Mais oui, t'es bien stalker. Toi. Oui, je sais. Quand t'as envoyé les invitations pour ton lancement, j'ai vu une story d'Instagram avec tes parents qui sont devenus ton cheap labor. Ouais, ouais, vraiment. Ils ont posté. Parce que les fans VIP qui ont participé au show interactif recevaient l'album. Ceux qui n'ont pas pu le ramasser au lancement, on l'envoyait par la poste. Donc, on a fait à peu près 150 envois postaux. Et c'est ça, le cheap labor. Papa, maman, pouvez-vous m'aider? Exactement. Fait que des soirées, non, mais ça leur fait plaisir. Et c'est les seuls moments où est-ce qu'ils peuvent me parler. Sinon, je trouve que je peux. C'est une blague. Non, mais je leur en dois beaucoup. Mes parents sont tellement présents dans ma carrière. C'est fou, là. Ouais, absolument. C'est important pour un artiste de les savoir en arrière aussi. Ben oui, vraiment. Puis d'avoir une fierté aussi de pour eux de te voir aujourd'hui dans cette position-là avec un album que tu as produit toi-même. Je pense qu'ils ne comprennent pas encore. Ma mère est comme, voyons, ça ils te demandent ça encore, es-tu correct? T'as besoin des sous? Oui, ils m'en envoient des fois. C'est surtout de la soupe wonton ces temps-ci. Ouais, mais de la soupe, de la tourtière. Là, ben c'est de la bouffe. Ils font à manger. Ils font à manger, oui. J'adore ça. Mesdames, messieurs, on retourne en musique. Notre invité aujourd'hui, on l'applaudit très, très fort. Mesdames, messieurs, Andréanne A. Mallette. Ça va être pour toi, celle-là, Max. Les cons envahisseurs, je les récolte à contre-cœur, c'est une blague. Les cons diaboliques remplissent mon bottin téléphonique. Y a les cons qui croient que l'amour des femmes est inconditionnel, mais que celui des hommes n'est qu'un contrat charnel. C'est complètement contradictoire d'espérer qu'un jour ce sera le bon. Alors je prie tous les jours de croire encore à l'amour. Mais les cons, c'est ma malédiction. Les cons, incompétents, on doit tout faire nous-mêmes pour sauver du temps. Les cons qui prétendent nous comprendre comprennent vraiment que ce qu'ils veulent entendre. L'on croyait complice, complote, et leur compère vous note d'un chiffre. Les cons qui vous complimentent, puis votre ami, puis une autre, sont des cons qui mentent. Y'a les concaves, convexes facilement si on leur parle de nos ex trop souvent. Puis y'a les cons qui sont prêts à compromettre notre amour pour une amourette. Pas. On est correct. Puis il y a les cons qui ont compris, qui disent ça y est chérie, je cesse de faire le compromis. Ces cons-là, confiance, quand notre confort compense, capable de confidence, conçoit l'inconcevable et nous confesse qu'il se commet avec son comptable et complètement inconsolable. Mais on se dit qu'un gay de plus, c'est un con dont on n'est plus responsable. C'est ma malédiction. Je déteste cette chanson-là. Ah, je savais que tu étais capable de le prendre. Non, les cons qu'on trouve sur ton premier album, Bohème, est-ce que c'est ta chanson Girl Power, ça, un peu? Ben, c'est... pas non. Tant, non. C'est un hymne, c'est un hommage aux gars. C'est non, un c'est... Non, tu rien. Trouves que c'est un hommage? Non, mais c'est drôle. Ça, c'est comme... Ça, c'est... Calmez-vous, s'il vous plaît. Ça, c'est comme T'es folle de Jean-Pierre Ferland, qui est un... C'est un hommage aux oui, femmes. C'est un hommage. Non, je pense que ma toune Girl Power, c'est ma guerre contre toi. Ouais. Oui. Ça, c'est vraiment, je fais exploser des gars là-dedans. Là. Les cons, c'est soft. OK. À comparer. Mais c'est drôle parce que je crois beaucoup en la loi de l'attraction, l'univers, puis tout ça. Ouais. Puis je me suis dit, à un moment donné, crée ma force de la jouer, peut-être que l'univers pense que c'est ça que je veux. T'sais. On attire, fait que... Non, je pense pas. Non, non, OK. C'est juste, le texte est tellement à la fois comique et porteur dans cette chanson-là, et ça fait réagir. Calmez-vous, mesdames, là, s'il vous plaît. Tu sais, les messieurs sont moins contents un peu, mais... Ouais, je sais, mais tu... On va aller chercher une bière, ça va être correct. C'est bon. Hey, on s'arrête quelques instants, on revient dans 3 minutes. Quelques messages publicitaires. On est toujours avec Andréanne A. Mallette au Studio Max. Bon jeudi soir, le grand sur roi Max Alon en direct du Studio Max sur les ondes du Max 103. Toujours en compagnie d'Andréanne A. Mallette. En regardant, je fouillais sur ton site web et quand on va sur... Je sais. T'es rendu là. Non, mais et ça, c'est moi et toute mon équipe de recherche. Je fouillais sur ton site web et quand on fait Google, Andréane Amalette, la description de ton site web, ça dit « Auteur, compositrice, interprète, prête ses émotions ». Oui, ouais, trop. C'est la première phrase. On s'entend que ça l'installe et ça le place tout de suite. Oui. Trop genre... Mais non, on commence, non? Ah, moi, je bégaye aussi. Je suis une grande hypersensible, c'est de la gestion, là, les émotions, honnêtement. Ah ouais? OK, Judith, t'as vu Andréane pleurer combien de fois? Est-ce que ça se compte sur les deux mains? Non, pour vrai, j'ai pas vu pleurer si souvent que ça. Non, non. Pas tant que ça, mais toi, tu pleures jamais, par exemple. Non. Je t'ai vu mais juste quand t'es pas là. Ouais, ça. Ou tantôt, quand elle a foncé dans... Non. T'as foncé dans... Vous voyez pas? Non, peux-tu en parler? Je peux-tu en parler? Oui, vas-y, pas-en. Ben, elle a une poque dans le front, vous voyez pas? Je disais, qu'est-ce qui s'est passé? T'as une grosse poque dans le front? Il y avait une vitre qui était tellement propre que... On était pressés, faut dire qu'on était allés... C'est vraiment très drôle. On était allés à Saint-Justine tantôt, faire une perfo, on était très en retard et puis il manquait des fils. Mais au moins, t'étais en bas de place, t'as fait mal à l'hôpital. Et puis, c'est ça, la porte était fermée. Puis elle a pleuré de douleur, moi je pleure de rire. C'est ça qui est arrivé. Oh, il va en musique tout de suite, mesdames, messieurs, notre invitée est tellement généreuse. Andréane Amalette. Petite chanson de Noël. Okay. Avec mes plus beaux crayons, j'ai signé Elisabeth, une adresse sous mon nom. Je suis trop vieille pour y croire, beaucoup trop grande maintenant pour penser à voir. Mais Noël d'avant, je sais que c'est pour le mieux. On prétend que c'est bon pour moi. Mes amis sont envieux, sauf ceux qui savent déjà que multiplier par deux les cadeaux, les présents, rend pas un enfant heureux. Je me souviens du temps où je descendais l'escalier, les pieds en avant, en pyjama de Walt Disney. Le sapin illuminait le salon avec son train qui tourne en rond, qui tourne en rond. Cette année, c'est différent. Je fête Noël chez papa. Je fête Noël chez maman, mais dans aucun des cas. Je ne retrouve le même salon. J'ai deux nouvelles maisons où il n'y a pas d'escalier. Mais je suis trop grande pour pleurer. Je me souviens du temps où je descendais l'escalier. Les pieds en avant, en pyjama de Walt Disney. Le sapin illuminait le salon avec son train qui tourne en rond, qui tourne en rond. Je t'écris une dernière fois. Regarde ce que tu peux faire. Au moins, c'est plus la guerre et j'ai pas à faire de choix. Deux maisons pas trop loin, mes parents sont voisins. Des fois je les vois se sourire. Je me dis que le meilleur est à venir. Wow! Super belle chanson de Noël à l'approche des fêtes. J'étais dans l'entrée chez vous l'autre jour, je regardais dans ton salon, puis je me demandais. Justement, chanson des fêtes, je suis curieux, ton rapport avec Noël, ton rapport avec les fêtes, ça se passe comment chez les mallettes, Noël? J'adore Noël! Ah oui, ok, t'es-tu seule, la fatigante, là, qui début décembre commence à décorer, puis les chansons de Noël? Ben, mon sapin, j'attends la fin de l'Halloween, comme toute personne saine d'esprit, là, mais... À la fin d'Halloween? Oui, ben, comme 1er novembre, c'est une bonne date pour faire mon sapin. Ok, oui, absolument. Oui. Oui. Alors... Ensuite? Ensuite? Non, j'aime vraiment Noël, je sais pas si je trouve ça, ça vient avec à la fois comme une nostalgie, puis une magie, puis plein d'amour à Noël. Ouais. Je trouve que c'est une belle période, c'est beau aussi, on dirait que toutes les villes se transforment en petits villages illuminés avec des guirlandes et tout. Pour moi, c'est, ben, c'est comme ben du monde, c'est la famille Noël, là. Oui. Les jeux de société. Tes parents ont l'occasion de te voir. Je fais de la tourtière. Non, c'est bien cool. C'est bien cool, Noël. Et 2017 a été une super belle année pour toi. L'album est sorti, on en parlait tantôt, numéro 1 du top 100 correspondant, qui est une super belle distinction avec Ici et Ailleurs. Ouais. Tu l'as joué tantôt. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour 2018? Il arrive quoi pour André Lamalette en 2018? C'est une bonne question. Il arrive... j'aimerais ça que l'album... c'est tellement éphémère maintenant. Là. On dit qu'aujourd'hui, un album, ça dure 3 semaines. Je trouve ça épouvantable. Après 3 semaines, les ventes commencent à descendre. Puis là, on peut dire que c'est le moment d'en faire un autre. T'sais. Mais j'aimerais ça que ça dure plus longtemps. J'aimerais ça que pendant tout le reste de l'année, les gens découvrent cet album-là. En spectacle, je vais faire beaucoup de shows. Si mes salles pouvaient être pleines, ça serait le plus beau cadeau pour 2018, je pense. Et j'ai vu que tu donnes des conférences maintenant sur l'entrepreneuriat pour les artistes, justement. On parlait de ta passion pour ça. Là, tu veux l'inculquer à d'autres personnes aussi. Ben, en fait, c'est vraiment... je prétends pas... je le dis d'emblée, là, dans la conférence, je ne suis pas conférencière. Là, mais j'arrive vraiment là pour... j'ai eu beaucoup de demandes, en fait. Okay. D'autres artistes qui m'appellent pour qu'on aille prendre un café puis ils ont besoin de coaching. Comment je fais? C'est ça. Puis j'ai pas... Tu sais, ça fait 2 ans que j'ai gratté tous les coins de l'industrie de la musique pour essayer de tout bien comprendre. J'ai fait des formations, j'ai lu des livres, j'ai fait... Ton modèle d'affaires intéresse présentement énormément. Il intéresse, c'est ça. Puis je pense que j'ai des notions qui sont bien cool pour bien du monde. Fait que oui, il y a des conférences, il y aura peut-être un livre. Je suis en train de bâtir quelque chose qui... Ah oui, un livre? Ben, qui sait? Ouais. Ben, je suis en train... veux pas, j'écris ce que je dis. Fait que c'est en train de se transformer en ouvrage. Il va peut-être devenir un livre audio que Judith va pouvoir écouter en voiture. Ça serait extraordinaire. Ben, on te le souhaite pour l'année à venir, pour 2018. Merci. Et on en a parlé beaucoup, mais quand on revient en arrière et on regarde un peu ce qui s'est passé en 2017, est-ce que toute la saga de la disque, j'ai pas été invité, la pub, les articles, tout ce que ça a donné finalement, ça a eu du bon pour l'album qui est sorti, la promo qui s'en est suivie? Ben honnêtement, oui, ça a été la plus belle pub pour moi. Je pense qu'on a parlé plus du fait que j'étais pas là qu'on en aurait parlé si j'avais été en nomination. Donc, par défaut, en fait, c'est devenu un bel événement pour moi. Puis je suis sans rancune, là, absolument pas. Je l'ai jamais été, en fait. J'étais pas offusquée de ça. Je pense que ça l'a offusqué plus les gens que moi-même. As-tu senti, justement, dans ton fanbase, c'est dans ces moments-là qu'on sent un peu l'amour du fanbase qui se manifeste? Ben, exactement, oui. Puis on m'a demandé beaucoup pourquoi t'es pas là. Puis j'ai essayé le plus possible d'expliquer des possibles options pourquoi ma chanson se retrouvait pas là. Entre autres, l'option que ça se peut qu'il ait juste pas aimé la toune. T'sais, ça, c'est les gens qui votent. Ils votent selon leur appréciation, leur goût. Fait qu'il y a cette option-là qui est là, puis c'est bien correct. Puis les autres options, ben, c'est une question de date, c'est une question aussi du fait que je suis indépendante dans un milieu. T'as où pas de label. J'ai pas de label, j'ai pas l'appui d'une grosse boîte de disques derrière moi. Parce que si on parle de Fou, ça a été débile à partir du moment où Fou est sorti dans les radios. T'as eu 300 000 écoutes sur Spotify pour la chanson Fou. Ouais! La question qui tue, 300 000 écoutes sur Spotify, qu'est-ce que tu vas faire avec tout cet argent-là? Je vais aller m'acheter une pizza chez... Capitaine! Yes, sir! Non, des Spotify, honnêtement, ça vaut rien. C'est des virgules 0,0001 sous. Donc, c'est vraiment juste une belle plateforme d'écoute. D'écoute pour partager ta musique. Exactement. Ta chanson Fou qui a été un grand succès. Ouais. Mesdames, messieurs, pour une dernière chanson aujourd'hui, faites beaucoup, beaucoup de bruit, s'il vous plaît, pour Andréanne à Valette. Veux-tu venir avec moi? On s'en va où tu veux. Mais laisse-moi t'arracher de ceux qui s'inventent des dieux. Si je t'en mets dans les bois, l'endroit où t'es le mieux. Puis après deux bonnes bouffées d'air, tu me diras ce que je peux faire. Parce que là, tu t'enfonces et j'ai pas de réponse. Tu fabules, tu délires, je sais pas quoi dire. Tu trembles, tu maigris, t'as le tempo allégri. Tu changes et je m'ennuie de mon meilleur. Moi je fais quoi, je fais quoi? J'attends de devenir folle pour voir ce que tu vois. Toi qu'est-ce que tu fous, qu'est-ce que tu fous? On dirait que tu décolles et puis tu deviens fou. Découvre la face cachée de ton visage, comme les traits effacés sous une belle image. Je lis dans tes yeux comme dans un livre ouvert, et même si tu le refermes, je peux lire au travers. Et là je vois, tu t'enfonces à chercher des réponses. Tu fabules, tu délires, rien ne te fait rire. Tu mens, tu oublies, t'endors plus la nuit. Tu bois et crois encore en autant que tu perds le nord. Moi je fais quoi, je fais quoi? J'attends de devenir folle pour voir ce que tu vois. Toi qu'est-ce que tu fous, qu'est-ce que tu fous? On dirait que tu décolles et que tu deviens fou. Messieurs, Andréanne A. Mallette. Merci beaucoup. Je suis Dixon, mesdames et messieurs. Alors, si les gens veulent faire comme moi et te stalker sur les médias sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, tout ça. Andréanne A. M. ou Andréanne A. Mallette. Andréanne A. Mallette. Et l'album Andréanne A. Mallette. Ouais, on ne s'est pas cassé la tête pour le titre. Ça, ouais. Et t'es en vente ici, là, dans les studios ben oui, du Max. Mais partout sur les plateformes numériques ou dans les bons disquaires. Et les moins bons disquaires aussi. Ça arrive. Ouais. Andréanne, merci tellement d'avoir pris du temps pour faire ça. Merci ça d'avoir ramené Judith avec toi, d'avoir sauvé de la vitre à l'hôpital Saint-Justine. Et je le dis, j'ai eu la chance de faire plusieurs entrevues avec Andréanne. C'est une des artistes du showbiz québécois des plus généreuses. Ah, merci. C'est toujours un immense plaisir. Merci beaucoup, Max. De faire ça avec toi. Bonne année 2018. Joyeuses fêtes. Pareillement. Vous autres aussi. Et merci d'être passé dans les studios du Max. Merci à Dominique à la technique. Merci à Yves à la réalisation. Et merci à toute l'équipe du Max 103. Mon nom est Max Lalonde. Merci beaucoup, Andréanne Mallette. Bon jeudi soir, tout le monde. On se retrouve bientôt pour une autre édition de l'émission Affaires de gars avec mon collègue Christian Dano. Bon jeudi. Bye-bye! Yes!